Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur une fiche de présentation très spécifique, en fait. Ouais, une doc qui circule en interne chez nous. Exactement. En tant que salarié du TAC, on a la chance de voir passer des véhicules uniques. Et là, nos propres équipes mettent en vente une Mazda 2 de 90 chevaux. En finition exclusive line, c'est ça? Et analyser cette documentation, c'est se pencher sur une philosophie qui prend souvent le contre-pied de l'industrie auto. Bah oui, l'objectif de notre analyse, du coup, c'est de comprendre ce qui la rend si pertinente. Et ça commence direct avec l'esthétique, le fameux design Kodo. Kodo, oui. C'est l'idée que la voiture semble vivante même à l'arrêt. C'est super poétique, mais concrètement, face à un marché où toutes les citadines ont des lignes hyper agressives, ça donne quoi finalement? Ben, le contraste est justement frappant. Au lieu de rajouter des arêtes tranchants partout, ils ont épuré. Ils ont opté pour la soustraction. C'est ça. Ils utilisent des courbes extrêmement fluides pour capter la lumière. C'est l'incarnation d'un luxe très discret. On l'imagine très bien garée devant un grand restaurant étoilé, en fait. Tout à fait. Et en même temps, elle garde ce gabarit compact, idéal pour se glisser sans effort dans une ruelle étroite de centre-ville. Donc, une allure très épurée à l'extérieur. Mais les constructeurs adorent les concepts philosophiques. Il y a aussi le Jin Bai Tai, qui revient souvent pour la mécanique. Le Jin Bai Tai, c'est la recherche de l'unité parfaite entre le cavalier et sa monture. Et sous le capot de notre modèle, ça se traduit comment? Par le bloc 1.5 Skyactiv G de 90 chevaux. Et surtout, c'est un moteur atmosphérique. En turbo donc, ce qui devient rarissime sur ce segment. Franchement, oui. Mais ça apporte une vraie différence. En évitant les petits moteurs suralimentés, on élimine les temps de latence. Pas d'à-coup à l'accélération. Exactement. La réponse est d'une linéarité remarquable. Et ce refus de la complexité mécanique, ça garantit une fiabilité exemplaire. Le but, c'est vraiment une conduite zen au quotidien. Une zénitude qu'on retrouve carrément à l'intérieur. La finition Exclusive Line, qu'on a épluchée, elle offre un équipement assez dingue pour une citadine. C'est un vrai cocon technologique conçu pour gommer le stress urbain. Moi, l'exemple qui me parle le plus, c'est le matin glacial de février. Ah oui, les sièges chauffants. Les sièges et le volant chauffant, oui. C'est pas juste du gadget, c'est un véritable réconfort thermique qui change le début de journée. On peut aussi parler du stress du stationnement. La caméra de recul incluse élimine l'angoisse des créneaux millimétrés. Surtout avec les voitures impatientes derrière. On connaît tous la situation. Si on ajoute à ça un système multimédia très intuitif, on a un environnement où l'attention reste focalisée sur la route, sans distraction. C'est clair. Et tout ça explique la fierté de nos équipes UTAC de mettre en vente cet exemplaire précis. C'est quand même un modèle récent de 2023. Oui, affichant 57 500 km au compteur. Et il intègre les dernières évolutions stylistiques. Absolument, comme la nouvelle calandre qui lui donne encore plus de prestance et des détails de finition vraiment soignés. En résumé, ce véhicule, c'est le choix idéal pour chercher le confort d'une grande routière combiné à l'agilité d'une citadine haut de gamme. Ce modèle démontre que le véritable luxe automobile moderne en ville ne réside plus dans la démesure ou la puissance excessive, mais dans la maîtrise du détail et la sérénité totale du conducteur. À bientôt pour une nouvelle analyse.